Ma tierra, la ni y el amor a dispersé. En fin, nous sommes en Suisse. On respirait mieux, déjà. Ces paroles furent jetées d'une telle lampe à la portière ouverte que le voyou descenda d'un wagon voisin afin de présenter sa valise à la donne de Berry. Se retourna comme un choc d'un projectile que la femme d'indépendance, quelque aspirateur purché, exhala, s'écrit sur la main, en touchant la terre de liberté et de paix. Léo à gris-bleu, qui cherchait un oreiller, se veut sous les hommes, profond de leur vie, cette cité d'une gaieté, fugitive à l'apparition, surgit d'un bond sur la trottoir. Un triomphe d'aspect quasi infantil, avec sa robe courtille de cheveux bleus, entre admets, centurie de fauves, ses bandeaux plaques, un dieu voulu lisser sur la thème, et son cathode, lit d'un revers moi, sur la chapeau du pas, bicerclé de velours. Mais dans les bizarres menus, autant en brin, les yeux noirs avaient un regard de femme, un regard lâche, pénétrant et chaud. Ses yeux alertés suspiraient les souris discrets du passant, et ne daignaient ni se laisser distraire, ni se troubler. Tout est sa préoccupation actuelle, les jeunes filles. Birebala sur la elle-même, recommanda à la vieille dame qui, dit l'anglais du wagon, pêcha vers le dehors un fin profil, estompé des fissures d'argent. Prends patience, ma mère, ce sera bientôt fa. Tiens, voici notre main, je la suis. Et brandissa son petit sac de tôliers brodés, les jeunes personnes se faufilent comme une argile à travers le cou effrayé et comme spolie la levage a au sein mousselier des bagages. L'étranger, qui l'avait remarqué, aperçut de nouveau. Au million de fous, les yeux revêts bleus, debout devant d'une main, dans les moleskines intactes et les mains d'une immaculée, attestèrent les débuts dans les chaos des transports, l'inconnu parlementaire avait d'un denier galonné et ventripotent. Et lui présenta un trousseau de petites clés, et déjà conquises par la geste franc et la figure juvénile, l'imposa sous-officier, sous-rang et sous-pesant machinalement le colis. Mathilde à la nuit, et la mort dispose.